Exercice 9. Bonjour, c'est Monsieur Lecornec de l'Agence pour l'emploi. Nous avons une nouvelle offre d'emploi. Un magasin cherche un vendeur pour les jouets. Si vous êtes intéressé, vous devez venir au bureau 212 avec une lettre de motivation. J'ai déjà votre CV. Je pars à 16h, alors merci de venir avant.